Il n'existe pas dans les tunnels de place de stationnement pour le confort uniquement. Dans les tunnels, la signalisation des emplacements d'arrêt d'urgence est obligatoire. Elle doit être assurée avec ce panneau. Si l'emplacement d'arrêt d'urgence comportait une issue de secours, le panneau aurait été accompagné par celui-ci. Cet emplacement est donc réservé à des cas graves, d'ordre mécanique ou autre. Réponse C.